La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir à tous. Vous êtes sur la radio des bons coups pour la bonne lecture du soir. Vous êtes avec Louison et nous allons continuer notre petit livre d'Agatha Christie qui s'appelle Christmas Pudding. Pour resituer un peu l'action, nous sommes avec notre ami Hercule Poirot qui a finalement décidé d'accepter une enquête concernant un vol de rubis. Il est donc actuellement à King's Lacy, dans une vieille bâtisse du XVIe siècle, et il est entouré d'une belle bande de joyeux lurons qui a décidé de lui faire une blague pour Noël et de mettre en place un faux crime, afin de savoir si Monsieur Poirot est capable de déceler le vrai du faux. Nous sommes donc au chapitre 3, que je vais commencer à vous lire. Il y eut fort à faire ce soir-là. On avait coupé dans le parc d'énormes boules de gui et des brassées de houx, et l'arbre de Noël était dressé à un bout de la salle à manger. Tout le monde participa non seulement à la décoration de l'arbre, mais aussi à celle de la maison. On mit des branches de houx autour de tous les cadres. On suspendit une grosse boule de gui dans le hall, à l'emplacement le plus favorable. « Je n'aurais jamais imaginé que des coutumes aussi archaïques existaient encore, » murmura Desmond en ricanant à l'oreille de Sarah. « Nous l'avons toujours fait, » riposta Sarah sur la défensive. « En voilà une raison. »« Oh, tu m'embêtes, Desmond. Moi, ça m'amuse. »« Sarah, mon cœur, c'est pas possible. »« C'est-à-dire, non, peut-être pas au fond, mais dans un sens, j'aime ça. » »« Qui brave la neige pour aller à la messe de minuit ?» demanda Miss Lacy à minuit moins 20. « Pas moi. » déclara Desmond. « Viens, Sarah !» Et il prit le bras de la jeune fille et l'entraîna dans la bibliothèque vers le coffre à disques. « Il y a des limites, ma chérie, la messe de minuit !»« Oui, » dit Sarah, « bien sûr !» Au milieu des exclamations et des rires, Bridget, Diana, David et les deux garçons enfilèrent manteau et bottes et se mirent en route sous la neige pour aller à l'église qui n'était qu'à 10 minutes de marche de King's Lacy. Leurs rires se perdirent bientôt dans le lointain. « La messe de minuit !» s'écria le colonel Lacy en haussant les épaules. « Je n'y suis jamais allé quand j'étais jeune. La messe ! Manquait plus que ça. C'est pour les papistes. Oh, je vous demande pardon, monsieur Poirot. »« Ne vous excusez pas, colonel, » dit Poirot avec un geste aimable. « Je comprends très bien votre point de vue. »« À mon avis, le service du matin suffit à n'importe qui, » continua le colonel. « Le service propre de la fête où l'on chante « Écoutez chanter les anges » et tous les bons vieux cantiques. Après, on rentre pour le déjeuner traditionnel. » C'est bien ça, n'est-ce pas, Amy ? Oui, mon ami, c'est ce que nous faisons. Mais les jeunes aiment assister au service de minuit, et ça fait vraiment plaisir qu'ils en aient envie. Sarah et l'autre type n'en ont pas envie. Là, mon ami, je crois que tu te trompes, dit Miss Lacy. Sarah le désirait, je le sais, mais elle n'a pas voulu le dire. Je me demande pourquoi elle s'inquiète de l'opinion de ce gars-là. Elle est très jeune, dit tranquillement Miss Lacy, et elle enchaîna. Vous allez vous coucher, monsieur Poirot ? Bonne nuit. J'espère que vous allez bien dormir. Et vous, madame, vous ne vous reposez pas encore ? Pas tout de suite. J'ai les bas à remplir. Je sais bien que mes enfants sont presque des grandes personnes, mais ces bas font leur joie. On n'y met que des babioles, des petites bêtises. C'est une occasion de bien rire. Vous vous donnez beaucoup de peine pour que King's Lacy soit à Noël la maison du bonheur, dit Poirot. C'est tout à votre honneur, madame. Il porta galamment à ses lèvres la main qu'elle lui tendait. Grogna le colonel dès que Poirot eut refermé la porte. Cet animal-là aime le langage fleuri. Mais tout de même, il t'apprécie comme tu le mérites. Miss Lacy sourit à son mari et des fossettes apparurent à ses deux joues. As-tu remarqué, Horace, que je suis juste sous le gui ? Demanda-t-elle l'air modeste d'une jeune fille de 19 ans. Hercule Poirot entra dans sa chambre. Une chambre spacieuse, pourvue d'un énorme radiateur. Comme il approchait du grand lit à colonnes, il remarqua une enveloppe posée sur l'oreiller. Il ouvrit et il en retira une petite feuille de papier sur laquelle était maladroitement tracée, en caractère d'imprimerie, la phrase suivante. « Ne mangez pas rien du pudding, quelqu'un qui vous veut du bien. » Poirot lut et relut, les yeux écarquillés. « Voilà qui est mystérieux et totalement inattendu, » murmura-t-il. Et c'est ici que se termine notre chapitre 3, ma foi assez court, mais plein de suspense. On se retrouve demain pour le chapitre numéro 4. Bonne soirée. La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir. Bonsoir et bienvenue dans cette chronique de lecture nocturne pour bien vous endormir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, dans les épisodes précédents, on apprend que Missy Jackson, la jeune docteure de Lindenville, a un fils de 4 ans qu'elle essaye de cacher à son crush, sans que l'on sache pourquoi. Crush qu'elle n'avait pas vu depuis leur nuit d'amour torride 5 ans plus tôt, et qui n'est autre que le fameux sergent-chef en permission, Alex Blocker. Ah oui, alors aussi, ils se sont pécho avant qu'Alex aille dormir chez sa grand-mère, qui est la voisine et la babysitter de Missy. Voilà, ça ne vous évoque peut-être rien pour l'instant, mais ça reste assez simple à suivre quand même. Le moment est donc venu de lire le 3e chapitre de notre série. C'est parti! Tôt ou tard, Missy sortirait du dispensaire. Alex avait essayé de rester discret en marchant sur le toit, mais une tronçonneuse ne pouvait pas passer inaperçue. Il afficha un large sourire quand la jeune femme apparut en bas dans le parking. « Bonjour, belle journée, hein » déclara-t-il d'une voix joyeuse. Missy leva un regard sur lui courroucé, une main en visière et l'autre fermement posée sur la hanche. « Tu vas descendre tout de suite !» Où était donc passée la femme douce et sexy qui l'avait embrassée la nuit précédente? Elle ressemblait en cet instant précis à une vieille maîtresse d'école acariâtre. Amusé malgré tout, il exécuta une courbette. « Oui, madame, j'arrive. » Et il gagna l'autre côté du toit qui offrait, pour monter et descendre, une voie plus commode. Quand il tourna à l'angle du bâtiment, il découvrit une messie furieuse, les bras croisés sur ses petits seins ronds, battant nerveusement la mesure du pied. Mais même en blouse blanche, elle était terriblement sexy. Alex ne comprenait pas ce qui la mettait si fort en colère. Ce n'était pas le fait qu'il soit venu l'aider tout de même. Il ôta son bandana et s'en servit pour essuyer son front moite. « Que puis-je faire pour vous, docteur Jackson ?»« J'apprécie ton aide, Alex, mais ceci est un cabinet médical, » dit sèchement Missy. Est-ce que cela te dérangerait de faire un peu moins de bruit ? Je pourrais attaquer l'arbre par petits coups, avec mon canif. Je serais encore là à Noël, mais tu n'entendrais rien. Lentement, un sourire se dessina sur les lèvres de Missy. D'accord, j'ai un peu exagéré. Simplement, j'ai été surprise quand j'ai entendu cette tronçonneuse. L'estomac d'Alex lui rappela soudain qu'il était presque l'heure du déjeuner. « Si tu prenais quelques minutes pour venir manger quelque chose avec moi, » proposa-t-il. « Andy's est ouvert. » Missy hésita quelques secondes, puis désigna le parking du regard. « Tu as vu toutes ces voitures ? Pour chacune d'elles, il y a 3 personnes assises dans ma salle d'attente. J'aurais de la chance si j'arrive à grignoter une barre de céréales entre 2 consultations. »« Bon, si tu changes d'avis, dis-le-moi. J'essaierai d'être aussi discret que possible avec la tronçonneuse. » Une fois que j'aurai coupé les branches, le reste de l'arbre pourra attendre jusqu'au week-end. Puis il disparut à l'angle du bâtiment, laissant la jeune femme pensive. La nuit précédente, elle l'avait trouvé presque diabolique à la lumière clignotante des feux d'essence et des gyrophares. Aujourd'hui, il avait l'air d'un ange gardien. Un ange gardien particulièrement grand et musclé. « Docteur ?» Arraché à ses pensées, Missy aperçut sa secrétaire sur le seuil du dispensaire. « Oui, Bettina ?» « Pouvez-vous prendre le patient suivant ?»« Oui, Bettina. » À présent, le tronc était entièrement dénudé. Même s'il bougeait légèrement, il était peu probable qu'il tombât de sitôt. Alex s'essuya une fois de plus le front avec le bandana humide. Il mourait de faim, et il aurait parié que Missy avait elle aussi besoin d'une petite pause et d'une bonne ration d'énergie. Les dernières heures avaient été éprouvantes, et il se doutait bien que les priorités de la jeune femme qui n'avait sûrement ménagé ni son temps ni ses forces, était allé vers ses patients. Il sourit car une idée venait de germer dans son esprit. « Oui, cela pourrait marcher, » pensa-t-il en redescendant du toit en sifflotant. Il fit de son mieux pour se rendre présentable, puis entra dans le dispensaire et eut une brève conversation avec Bettina. « Parfait, » conclut-il. « Je reviens dès que possible. » Messi se rendit compte qu'elle n'avait plus entendu le moindre bruit venant du toit depuis un certain temps. Alex avait-il déjà terminé? Sa journée, elle, était loin d'être terminée. Un simple coup d'œil en direction de la salle d'attente lui permit de constater qu'il restait encore un nombre important de patients. Rien d'étonnant à cela, elle était le seul médecin de Lindenville. Mais comme il était hors de question de s'arrêter, elle se contenterait une fois de plus d'une barre de céréales ou d'un fruit. Entre deux consultations, elle s'étirait pour réveiller son corps fatigué, puis elle changeait de salle d'examen pour prendre le patient suivant. Cette journée ne finirait-elle donc jamais? Elle posa un bandage sur une cheville foulée et griffonna quelques notes sur la fiche du patient, puis elle passa dans l'autre salle d'examen. Dans le couloir, une bonne odeur de viande grillée lui chatouilla ses narines. La faim, sûrement. Si seulement elle n'avait pas de fiche dans le support fixé sur la porte voisine, cela lui permettrait d'aller grignoter quelque chose. Hélas, il y avait un nouveau dossier en attente. Elle ferma les yeux un instant et inspira profondément, puis, s'emparant du dossier, frappa à la porte de la salle d'examen, entra et s'arrêta net. Alex Blocker l'attendait. Un grand sourire aux lèvres. Près de lui, sur le bureau, se trouvait une pile de boîtes en carton contenant des frites et des hamburgers. « Asseyez-vous, docteur, » dit-il faussement cérémonieux. « Ne pouvant pas t'obliger à faire une pause repas, je t'ai apporté un déjeuner. » Le regard de Messi allait d'Alex à ce repas providentiel. « C'est que j'étais patient à voir ?»« Des patients qui ne sont pas restés debout aussi longtemps que toi. Comment veux-tu les aider si tu meurs de faim et si tu ne tiens plus sur tes jambes ?» Messi agita le dossier médical qu'elle avait pris sur la porte. « Tu empiètes sur le temps de ce patient. » « C'est mon dossier. Je suis revenu pour faire examiner mon genou. C'est un cas grave. Le traitement risque d'être long. Mais je crois savoir ce qui va améliorer son état. Un déjeuner. » Il semblait aussi content de lui qu'un chat qui a attrapé un canari. De la main, il tapota le tabouret pivotant en métal placé près de la table d'examen. « Que fais-tu là, debout? Assieds-toi et mange. » Un examen approfondi du genou correspond à autant d'un repas. Messi finit par se laisser tomber sur le siège et en soupirant. Merci. Recevoir des cadeaux de quelqu'un, et surtout d'Alex Blocker, ne faisait pas partie de ses habitudes. Ses habitudes à elle avaient toujours consisté à s'occuper des autres, et elle s'était toujours sentie gênée lorsqu'on lui manifestait une intention quelconque. C'est vrai que j'ai faim, avoua-t-elle prenant une frite. Alex leva son gobelet de soda. À vous. « Docteur Jackson, puissiez-vous survivre jusqu'à ce soir pour soigner tous les malades présents ?»« Oh, ça, ce n'est pas gentil, » protesta Messi. « Mais je comprends ce que tu veux dire. »« Et merci encore. C'est exactement ce dont j'avais besoin. » Alex la regarda avec satisfaction mordre dans son hamburger. « Je ne sais pas cuisiner, mais je sais choisir mes fournisseurs. J'ai vérifié avec ta secrétaire, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de réelle urgence dans la salle d'attente. Alors, pour l'instant ?» C'est moi le docteur. Mes ordres sont que tu manges et que tu reposes tes jambes pendant au moins un quart d'heure. Il s'approcha de la jeune femme, lui souleva les pieds et les posa sur un tabouret. Elle voulut protester, mais il lui ordonna de se taire et de manger. Ensuite, il lui ôta ses chaussures et la gratifia d'un délicieux massage des pieds. Si elle avait eu le temps, elle serait montée sur la table d'examen pour y faire un somme. Elle savoura avec délice sa dernière frite recouverte de ketchup épicé, tapota ses lèvres avec une serviette en papier et poussa un long soupir de satisfaction. Ah ! Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais faim. Quelquefois, les gens qui prennent toujours soin des autres ont besoin que quelqu'un s'occupe d'eux. En souriant, Alex rassembla les emballages vides et les remit dans le sac en papier du magasin. La terre ne va pas s'arrêter de tourner si tu t'accordes une pause. Reprit-il doucement. Mais toi, tu pourrais être obligé de t'arrêter si tu ne te ménages pas. Il se leva et se dirigea vers la porte. Je te rends à tes patients maintenant. Attends, et ton genou? Il faut que je complète ton dossier. Tout va bien, regarde. Sans lâcher le sac en papier du déjeuner, il tendit les bras en avant et fléchit plusieurs fois les genoux. Pas de problème, conclut-il en se relevant. La main sur la poignée de la porte, il se retourna. Attends. « Oui ?» répondit-elle, pleine d'un espoir qui la déconcerta. Du bout des doigts, il lui souleva doucement le menton. Le pouls de la jeune femme s'accéléra follement. Elle croyait, elle espérait qu'il allait l'embrasser. Mais il passa simplement le pouce sur la commissure de ses lèvres. Malgré tout, ce simple geste suffit à l'embraser tout entière. Il y avait un petit peu de ketchup sur ta lèvre. Tu ne veux pas que tes patients connaissent le menu de ton déjeuner, je suppose. Puis il s'inclina en souriant et quitta la pièce. À plus tard, docteur. Messie resta quelques instants immobile, fixant la porte, furieuse de s'être sentie si émue devant lui. Son trouble avait dû se voir. Elle contrôla son image dans la petite glace au-dessus du lavabo et, rassurée, se hâta de rejoindre le hall. Juste à temps pour voir Alex s'arrêter un instant au comptoir de la réception et lever les deux pouces devant Bettina. « Mission accomplie !» déclara-t-il avant de sortir. Les pensées en désordre, Messie s'appuya contre le montant de la porte. Pendant des années, elle avait pensé que ce qui s'était passé à Fayetteville, quand ils avaient rangé l'appartement de CG, n'avait été que le fruit aberrant du hasard. Mais à présent, elle n'en était plus très sûre. Elle avait toujours cru qu'Alex ne s'intéressait à rien d'autre qu'à lui-même et à son travail. À la réflexion, elle s'était peut-être trompée en le voyant comme un héros et non comme un homme authentique. Maintenant qu'il était revenu et qu'elle le voyait agir depuis la tornade, son comportement donnait de lui une autre image. Mais elle ne pourrait jamais nouer de nouvelles relations avec lui, pas avant de lui avoir parlé. Le soleil baissait. Déposant un instant son marteau, Alex s'arrêta de travailler pour goûter la douceur de l'air et regarder le soleil qui descendait vers l'horizon, zébrant les nuages d'orange et de rose. Jusqu'à présent, il n'avait jamais pris la peine de regarder un ciel de crépuscule dans le seul but de se laisser envahir par sa beauté. S'arrachant à cette vision, il se concentra sur la tâche à effectuer. Il ne restait plus que quelques barres d'eau à fixer, et il tenait à terminer avant la nuit. Le dernier patient de Messie avait quitté le parking, et le personnel s'en allait. Tout en clouant la dernière pièce, il pensa à ce vieux bâtiment du dispensaire. Quand il était enfant, seuls les plus fortunés avaient les moyens d'y venir. Jusqu'à la veille, lui-même n'y était jamais entré. Mais en jugé par les patients qu'il avait vus dans la salle d'attente, les choses avaient beaucoup changé. Autrefois, les familles qui vivaient du mauvais côté de la voie ferrée n'auraient jamais osé venir ici, à moins d'avoir de l'argent sonnant et trébuchant. Depuis la tornade, il voyait travailler ensemble des gens qui ne se seraient même pas regardés quelques années plus tôt. La ville qu'il avait essayé d'oublier aurait-elle changé à ce point? Ou était-ce sa façon personnelle de voir les choses qui avaient changé? Une porte claqua, et, jetant un coup d'œil en bas, il vit Messie se diriger vers sa voiture. Sa première pensée fut de la taquiner au sujet de sa longue journée, mais elle semblait aussi épuisée que lui. « Au revoir, Messie !» dit-il. Comme arrachée à ses pensées, elle leva les yeux. « Oh, Alex, tu devrais descendre maintenant. Il fera bientôt trop sombre pour travailler. »« Plus que deux clous à planter, et j'ai terminé. »« Sois prudent, je ne voudrais pas que l'on me rappelle pour te soigner. Je ne rêve plus que d'un bon dîner et d'une dizaine d'heures au lit. » Elle ne s'était sûrement pas rendu compte de l'aspect suggestif de ces derniers mots. Mais Alex, lui, l'avait parfaitement perçu. Il n'envisageait rien de mieux pour se détendre qu'une nuit partagée avec une femme. Mais pas n'importe quelle femme. Mais si, celle qui hantait ses rêves depuis 5 ans. Tout en roulant, Messie pensait à la nuit de sommeil qui l'attendait et à Alex. Alex qui ignorait qu'il était le père de Corey. Quelques minutes plus tard, elle s'arrêtait devant chez elle et se dirigea vers la maison de grand-mère Willadine. D'habitude, elle bavardait toujours un peu avec la vieille dame. Mais aujourd'hui, elle voulait ramener Corey avant le retour d'Alex. D'une démarche lasse, elle gravit les marches du perron, frappa à la porte et entra. Il flottait dans l'air une délicieuse odeur de légumes qui lui mit l'eau à la bouche et qui la guida jusqu'à la cuisine. Là, Willadine était en train de tourner une cuillère dans une marmite fumante et Corey était assis, un bol rempli devant lui. Il ne l'avait pas vu rentrer. « Comment vont mes deux amours ?» demanda-t-elle avec une légèreté feinte. Corey se retourna et lui adressa un sourire radieux. « Maman, le frigo est tombé en panne. Tout a fondu, alors grand-mère et moi, on a été obligés de faire beaucoup de soupe, sinon tout aurait pourri » expliqua-t-il tout excité. Messie déposa un baiser sur son front. « Mange vite, mon ange, pour que nous puissions rentrer. » Willadine se retourna. « Tu n'es pas si pressée. Assieds-toi et prends donc une assiette de soupe avant de rentrer chez toi. Tu as l'air épuisée. » Messi faillit accepter l'invitation, mais elle se sentait trop fatiguée pour affronter une nouvelle rencontre avec Alex. Merci, Willadine, mais je n'ai vraiment pas la force de manger. Si cela ne vous dérange pas, je vais vous enlever Cory et rentrer chez moi. L'air désapprobateur, la vieille dame versa de la soupe dans une boîte hermétique qu'elle glissa dans un sac en plastique. Cela ne prend qu'une minute de manger un peu de soupe, bougonna-t-elle. Mais si tu as décidé de rentrer, emporte au moins ça. Je ne voudrais pas que tu meures de faim pendant ton sommeil, alors qu'il y a de la nourriture ici, toute prête, en quantité. Merci, dit Messi en prenant le sac. Elle se souvint alors qu'elle n'avait pas vraiment remercié Alex. Votre petit-fils est venu au dispensaire aujourd'hui. Il a réparé la toiture, et en plus, il m'a apporté un déjeuner. Elle sourit en repensant au stratagème qu'il avait utilisé. C'est tout moi, Alex, ça. Je me demandais où il était passé. Au moins, il est occupé utilement. Il est nerveux depuis qu'il est arrivé. Je pense qu'il n'est pas très heureux à l'idée de rester assis derrière un bureau, même si le recrutement est un bon travail. Il préfère se retrouver au cœur de l'action. Oui, je sais. Viens, Cory. Maman est fatiguée. Le garçonnet avala très vite une dernière cuillerée de soupe, glissa un cracker dans sa bouche et se leva. « Oui, maman, je suis prêt !» dit-il tout en mâchant. Attendri, Messi lui sourit. « Allons-y, fils unique et préféré. » Une fois chez elle, après avoir allumé la lampe de la cuisine et posé la soupe sur la table, Messi se demanda si le facteur était passé. Il n'y aurait que des factures, comme d'habitude. Mais tant pis. « Je vais chercher le courrier, Cory, » dit-elle avant de ressortir. Elle descendait l'allée quand elle aperçut des feux de voiture apparaître à l'angle de la rue. C'était sûrement Alex. Qu'est-ce qui avait véritablement motivé sa sortie? Était-ce l'envie de prendre le courrier ou l'espoir de voir Alex? Elle haussa les épaules. Alex se gara derrière la vieille Buick de sa grand-mère et demeura assis un moment, pensif. La lumière brillait aux fenêtres des maisons environnantes. Il était revenu depuis 2 jours seulement, mais il avait l'impression de n'être jamais parti. Quand Lindenville avait-elle commencé à être aussi accueillante? Un sourire flottait sur ses lèvres quand il verrouilla la portière. Ce n'était pas si mal d'être là, finalement. Il aperçut Messi en train d'ouvrir sa boîte aux lettres. C'était étonnant qu'elle se soit installée dans la très modeste maison de sa tante Ernestine au lieu de loger dans un appartement moderne de la ville nouvelle. Mais elle était là et il en était plutôt content. Sans doute n'avait-elle pas eu le choix, à cause des emprunts effectués pour payer ses études sûrement, et qu'elle devait rembourser à présent. Il lui adressa un petit signe de la main. « Il a fait beau aujourd'hui, finalement. » Peu familier des conversations futiles, il éprouvait pourtant le besoin de prolonger la rencontre. Messi Jackson n'appartenait pas exactement au même milieu que lui, car elle était médecin, mais elle était si agréable à regarder. « Oui, surtout par rapport à la tempête, » répondit-elle, se tournant pour remonter l'allée. « À bientôt !» s'exclama-t-il en se dirigeant vers la maison de grand-mère. Tout en montant les marches 2 par 2, il pensa que c'était formidable que Messi habite là-bas. Peut-être pourrait-il lier, cette fois, une véritable relation? Il se souvenait de la fillette maigre qui les suppliait, Seiji et lui, de la laisser participer à leurs aventures secrètes de garçon. Qui aurait cru alors qu'elle deviendrait une femme si respectée, et surtout si belle? Sous son attitude sérieuse et professionnelle, elle cachait une nature très sensuelle. Le baiser au dispensaire l'avait amplement prouvé. Décidément, Lindenville ne serait pas si déplaisant après tout. C'était étonnant ce que pouvait faire, pour une femme fatiguée, une assiette de soupe chaude et quelques minutes de repos, pensa Messi. Elle s'était installée sur le canapé pendant que Cory regardait une vidéo de son héros dinosaure favori. Ce n'était pas exactement ce que préférait Messi, mais son fils s'amusait et c'était bien là l'essentiel. Elle repensa à l'horrible appel d'alerte en pleine nuit, à la longue journée qui venait de s'écouler, aux baisers qu'ils avaient échangés, Alex et elle. Comment avait-elle pu? Un sourire naquit sur ses lèvres en revoyant le pique-nique sur la table de la salle d'examen. Elle avait vu, là, un aspect différent d'Alex, un aspect qu'elle ignorait auparavant. Pendant son enfance et son adolescence, elle avait considéré Alexander Blocker comme une idole que l'on adore de loin. Plus tard, le garçon farceur était devenu un homme silencieux et distant, toujours impossible à atteindre. Ensuite, il y avait eu cette nuit d'amour unique, à la fois malencontreuse et merveilleuse. Mais même cette nuit-là, Alex était demeuré distant et inaccessible. Puis il était parti, le lendemain, sur la promesse laconique de faire le nécessaire en cas de besoin. Par la suite, son long silence avait démontré ce que représentait pour lui cette nuit. Dans ces conditions, il valait mieux l'oublier. Et c'était ce qu'elle avait fait. Au cours des années, elle avait tenté d'oublier. Mais chaque jour depuis 4 ans, la présence de Cory rappelait à Messi que la nuit d'amour passée avec Alex n'avait pas été une simple nuit d'amour. Elle s'aperçut alors que le générique de fin se déroulait sur l'écran. Faisant un effort sur elle-même, elle s'arracha à ses pensées et s'occupa de préparer son fils pour la nuit. Voilà, nous arrivons à la fin de ce 3e chapitre. Je vais maintenant vous laisser vous endormir paisiblement, en espérant que la playlist qui suit ne vous réveillera pas en sursaut. À moins qu'en ce premier soir de week-end, vous ayez choisi de festoyer tout en écoutant Radio Boncon à tue-tête. Dans ce cas, j'espère ne pas avoir plombé l'ambiance sur le dance floor, ou niquer votre groove, comme on dit. Dans ce cas-là, je m'en excuse, et je vous fais des gros bisous. À demain! La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Toute l'équipe de la radio des bons coups vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de ces programmes.